Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 103, de la vertu de Dully. Ce qu'implique l'honneur ou la vertu de Dully? La Dully se distingue de la vertu de Latry, sa division en plusieurs espèces. La vertu de Dully correspond au culte de Dully. Elle rend au supérieur des hommages qui se distinguent du culte de Latry. Cette vertu est comprise sous le respect. 1. L'honneur implique-t-il quelque chose de corporel? L'honneur se rend devant Dieu ou devant les hommes. S'il se rend uniquement devant Dieu, qui voit le fond des cœurs, la conscience suffit, car il s'accomplit dans l'acte intérieur de l'esprit. Par cela seul que notre âme reconnaît l'excellence de Dieu ou celle d'un homme devant Dieu. S'il doit être rendu devant les hommes, il ne peut s'accomplir que par des signes extérieurs, par des paroles, par des actes ou par d'autres marques équivalentes. Note. Les éloges, les saluts, les inclinations, les prévenances, les présents, l'érection des statues, l'exposition des images à la vénération publique, voilà diverses manières de rendre l'honneur. Fin de la note. 2. L'honneur est-il proprement dû au supérieur? L'honneur n'est dû à quelqu'un qu'en raison de son excellence ou de sa supériorité. Il n'est pas nécessaire que celui qui le reçoit soit en tout supérieur à celui qui le rend. Il suffit qu'il soit supérieur à d'autres ou, sous certains rapports, à celui qui l'honore. Note. Quand les supérieurs sont mauvais, on les honore pour leur dignité même, et pour la communauté dont ils sont les chefs. Tous les hommes doivent se prévenir par des honneurs réciproques. Chacun d'eux peut trouver dans les autres quelque chose qui les élève au-dessus de lui. Conformément à cette parole, humiliez-vous, croyant que les autres vous sont supérieurs. Philippiens 2:3. Tobie et Mardochée furent honorés par des rois, à cause de l'excellence de leur vertu. Fin de la note. 3. La Dully est-elle une vertu distincte de la Latry? Autre, dit saint Augustin, est le service de Dully, qui est dû aux hommes, et que l'apôtre recommande en disant aux serviteurs d'être soumis à leur maître. Autre est le service de Latry, qui forme le culte de Dieu. Où est une dette d'une nature particulière, là existe une vertu spéciale pour l'acquitter. Dieu possédant le domaine absolu sur toutes les créatures, au lieu que l'homme n'en possède, par participation, que la similitude, le service dû à Dieu est évidemment d'une autre nature que le service dû à l'homme. Il s'ensuit que la vertu de Dully, par laquelle les serviteurs révèrent leur maître, diffère essentiellement de la vertu de Latry, qui rend le service à Dieu, créateur et maître souverain de l'univers entier. La Dully est comprise dans la vertu du respect, car par le respect, nous honorons toutes les personnes élevées en dignité, et, par la Dully proprement dite, les serviteurs vénèrent leur maître. Le mot Dully signifie, en grec, servitude. 4. La vertu de Dully a-t-elle différentes espèces? La vertu de Dully, prise dans le sens large pour désigner la révérence que l'on défère à tous les hommes distingués par une suréminence quelconque, renferme la piété filiale, le respect et toutes les vertus semblables qui ont pour fin d'honorer les hommes. Dès lors elle se subdivise en plusieurs espèces, mais, prise dans le sens restreint pour la révérence que le serviteur rend à son maître, elle est seulement une des différentes espèces du respect. Note. L'hyperdully, par laquelle on rend le plus grand honneur à la créature qui a la plus grande affinité avec Dieu, est la principale espèce de la dully prise dans le sens large. Quant à la croix, on l'honore de l'honneur que l'on rend au Christ, comme on vénère la pourpre du roi du même honneur que le roi. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.